Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, les années 70 en musique. Mais vous savez, il y a 80 personnes qui sont dans la mode, il n'y a que 150 vedettes, il n'y a que 100 journalistes intéressantes dans cette ville, il n'y a que 200 personnes très riches qui s'habillent très bien et qui sortent, parce que tous les gens qui sont très riches ne sortent pas. Coco Douglas-Léopold, figure du show business québécois durant les belles années du disco, qui se désole, vous l'avez entendu, qu'il y ait si peu, il les appelait lui les beautiful people, qu'il y ait si peu de beautiful people dans une ville comme Montréal. Ces beautiful people qui étaient importants, qui fréquentaient et qui faisaient surtout la réputation des discothèques célèbres de l'époque, comme le Studio 54 à New York ou chez Régine à Montréal, une boîte d'ailleurs à laquelle était associé Coco Douglas-Léopold. Les années 70, donc, ce sont ces années disco. C'est aussi les années 70 et au cours des années 70 qu'aura lieu la Super Francofête qui va réunir sur une même scène Félix Leclerc, Gilles Vigneault et Robert Charlebois pour un concert mémorable, ce concert du 13 août 1974 à Québec. Et puis les années 70, c'est aussi celles qui vont propulser Luciano Pavarotti au rang d'une des plus grandes stars internationales. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste à Rotterdam ou à Rio, j'aurais voulu. Le blues du businessman tiré de l'opéra rock Starmania dans sa version la plus célèbre, la version originale, celle qu'a chanté Claude Dubois en 1978. C'est vraiment l'une de ses chansons, cette chanson-là, qu'on associe tout de suite à une période précise de l'histoire. Pour revivre les années 70 en musique, trois invités, Will Strock, qui est professeur de communication à l'Université McGill. Bonjour. Bonjour. La journaliste Marie-Christine Blais. Marie-Christine, bonjour. Bonjour. Et ma collègue Françoise Davoine, animatrice à Ici Musique. Bonjour, Françoise. Bonjour. En un mot, en une phrase, en une image. Quand on parle des années 70, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce qui tout de suite vous vient en tête, Will Strong? Mais c'était des couleurs qui n'étaient plus les couleurs des hippies. C'était les oranges, les jaunes, le rouge, les l'explosion. Vêtements. L'explosion, oui. Ouais. Marie-Christine Blais. L'éclectisme, moi je pense qu'on a commencé avec le côté un peu babaco, l'harmonium, compagnie, et puis là on est allé jusqu'à Starmania, mais aussi jusqu'au punk, jusqu'à plein de choses, et on s'est trouvé à s'ouvrir à toutes sortes de choses, jusqu'en 1980 quand il y a le référendum, et que même musicalement, tout change. C'est bien parti. Explosion de couleurs, métissage. Françoise Davoine. Et moi, c'est l'adolescence. Oui. Alors, c'est tout ce que ça veut dire. C'est pas mal, ça. Ouais. L'adolescence, la découverte de la culture francophone, l'arrivée au Canada, à Ottawa, avec mes parents. Donc, tout ce que j'ai absorbé, le cinéma américain et les sandwichs au Alfalfa Sprouts. Ah, je sais même plus comment on dit ça en français. Alfa. C'est à Ottawa. Alfalfa? Les germes. Beau petit tour de ces années. On a tout compris déjà, les années 70. Never Can Say Goodbye, énorme succès de Gloria Gaynor. On est en 1975, Will Strah. Gloria Gaynor, ça va peut-être être l'une des... C'est important dans l'iconographie disco. Il y aura des reines du disco. C'est probablement l'une des premières, Gloria Gaynor. Une des premières, Gloria Gaynor, bien sûr. Et c'était un des premiers gros succès. Il y en avait deux en 1974. Hue Corporation, George McRae, qui ont comme lancé la mode disco. Mais Gloria Gaynor, ça, c'est vraiment... Puis il y aura Donna Summer, qu'on va entendre un peu plus tard, mais en 1975 aussi. Ouais. C'est parti, donc, cet éclatement de couleurs, mais de son aussi. Ça commence à peu près dans ces années-là? Dans quel contexte ça commence, le disco? Oui, mais on peut dire dans les années 60. Une déjà. Fois que tu as une boîte de nuit où on met des disques plutôt que d'avoir un orchestre, ça, on est déjà dans la discothèque. Mais c'est surtout au début des années 70 à New York, des villes américaines ont des clans où on a un son plus funky avec des disques, des DJ, même le DJ fait sa première apparition vers 72 et tout ça. Ouais. On a les boîtes, les DJ, les disques et ensemble, ils créent le disco. Et les gens veulent entendre des disques. Exactement. C'est fou quand on y repense. Ouais. On veut plus entendre de vrais musiciens. On veut avoir la vraie affaire. Ouais. Ça, c'est du vinyle, ouais. la vraie affaire. Exactement. On veut pas une copie faite par un orchestre local d'un succès international. On veut avoir le disque. Ouais. Pourquoi ça marche tant? Ça va marcher du tonnerre, le disco, pendant quelques années. Qu'est-ce qui fait que ça marche tant? Ça marche parce que le disco, je pense qu'il offre quelque chose que le hippie, la musique hippie et la musique progressive rock, tout ça n'offre pas. Ça veut dire des environnements avec la sociabilité, on boit, on cruise. On s'amuse. Et, on s'amuse beaucoup. Et puis, parlons de la musique même, elle est dans l'amusement, dans l'insouciance. Il y a une insouciance extraordinaire dans le disco. La musique est faite pour donner du plaisir, pas pour faire des commentaires sur la vie politique. On s'éclate. C'est une musique faite pour faire danser. Oui. Tout le monde y a accès aussi. Ça fait partie du disco. Oui. C'est pour tous, cet amusement. Non, tout on peut dire que le mouvement hippie, c'est plutôt la classe moyenne, les blancs. Mais le disco, c'est des gens de la classe ouvrière, des latinos, des noirs, des blancs, bien sûr. Le côté sûr. Funky du disco est très important. C'est le mouvement noir, ce qui Mais c'est quoi musicalement, en fait, si on avait à la décrire, cette musique-là? Mais on dit que c'est la combinaison d'un rythme latino qui vient des quartiers de New York. D'un son funky, quelques éléments de rock, surtout au niveau du côté de la batterie, mais c'est vraiment ce mélange de noir, latino, blanc qui la rend distincte. Et ça va. Rythmique. Oui. C'est aussi une musique qui est très rythmique, beaucoup moins mélodique, mais plus rythmique. Ouais. Nous, on faisait une farce disco, disco. Oui, c'est vrai. Disco. Et on l'a tous entendu, c'était ça le disco. Et c'est ça que beaucoup de gens n'aimaient pas dans le disco. C'était une musique fasciste, musique. Fait par des machines. Facile. Ben, vous lisez dans mes pensées parce que j'ai un fabuleux extrait à vous faire entendre. Effectivement, le monde est divisé en deux. Il y a ceux qui s'éclatent sans trop penser. On a juste du plaisir sur les pistes de danse en écoutant de la disco, vraiment au fond de la caisse. Et puis, il y a ceux qui trouvent ça vraiment complètement abrutissant, vide. Je vous propose l'extrait d'un reportage qui a été diffusé à l'émission Télé Jeans en 1979. Vous allez voir, on est là-dedans, là, les anti-disco, puis quelqu'un à la fin qui timidement va dire, ben, c'est pas Spire, finalement. Pour plusieurs, le seul mot disco provoque le dégoût. Musique dégradante, aliénante, répétitive en devenir débile, les qualificatifs ne manquent pas. Pour la grande majorité des amateurs de rock depuis l'apparition de ce phénomène vers 75, le disco, c'était le déchet de la musique. Et la venue du punk rock semblait nous donner une bonne indication de ce qu'allait être la musique des années 80. Les choses ont bien changé depuis quelque temps. Le disco pur demeure toujours déplorable, mais il faut faire des nuances. C'est qu'en étendant de plus en plus sa domination sur le marché de la musique, le disco est à l'origine d'un nouveau son, une musique de fusion qui allie le rythme saccadé du disco et la structure mélodique du rock. Les Rolling Stones l'ont compris ou même l'ont provoqué avec Miss You. Rod Stewart, Paul McCartney, Electric Light Orchestra, Sparks, bientôt Cheap Trick ont maintenant tous leur hit disco. Même Blondie, ce groupe américain adulé par les milieux punk nouvelle vague, est entré dans le courant. Moi, je trouve que c'est pas une musique assez recherchée. Je veux dire, celui qui va faire du disco, il va faire de l'argent. Bon, c'est bien faire de l'argent, mais moi, je trouve que c'est bien faire de la musique aussi. Tu penses que c'est juste une entreprise commerciale, rien d'autre? Oui. Moi, pour moi, c'est une entreprise commerciale. Moi, j'ai essayé d'en écrire, OK? J'en écris de la musique, j'en écris à longueur de jour. Puis quand j'écris, mettons, du disco, j'ai essayé d'en écrire du disco, puis c'est pas difficile. Tu mets ta percussion au fond, tu donnes une percussion aux gens, puis ils partent à danser là-dessus. Ben, la musique s'en fiche, c'est ta percussion, ton rythme. C'est juste ça, je veux dire. Okay. C'est pas difficile, c'est écrit vite, c'est fait vite, c'est vendu vite, puis ça collecte vite. C'est la même chose, le rock. Oui, le rock, c'est vrai. C'est toujours de la guitare, puis de la batterie en arrière. Mais c'est inspiré, c'est pas pareil. Jazz, je veux dire, c'est pas la même affaire. « Donna Summer, un autre grand succès de ces années 70 et du disco. C'est fascinant ce qu'on vient d'entendre. Les critiques sont parfois très, très cinglantes. Il y a ceux qui aiment le disco, il y a les anti-disco. Marie-Christine Blais, vous avez connu ça, vous, personnellement. J'aguisse ça, avec un grand G. Mais c'est débat autour d'une table. Mon chum de l'époque avait une famille, ils étaient 9 enfants, et il y avait vraiment ceux qui étaient disco dans la famille, ceux qui le vendredi soir prenaient 2 heures à s'habiller. Ouais. On les méprisait! C'était incroyable! Et eux, de leur côté, nous considéraient comme des ploucs finis, même pas capables de comprendre que ça vaut la peine de se mettre beau, puis d'aller danser, puis avoir du plaisir. Ouais. Ils nous trouvaient vraiment... Vous êtes toujours là à penser à des affaires noires. Blah, blah. Mais c'était mémorable. Il y a des moments où on ne se parlait plus dans la famille parce que justement, on trouvait que c'était. Mais c'est très évocateur des années parce qu'il y a vraiment quelque chose de fascinant, moi, qui me fascine en tout cas dans le disco parce que c'est une musique qui a marché énormément, mais la musique de l'insouciance, du party. Puis on finit par oublier, on se dit, mais est-ce que les années 70, ça a été ça? Non, il y a eu Il y a quand même beau dommage. Oui, puis même politiquement, socialement, il se passe des choses dans les années 70. Il n'y avait pas que cette musique-là non plus. Hein, exact. Non? Moi, je me souviens, chez mes parents, on écoutait beaucoup plus de classiques. Alors, le dimanche matin, évidemment, c'était classique. Mais le soir, nous, mon frère et moi, c'était ce genre de musique disco. Puis on mettait ça fort, fort, fort dans la maison. Ouais. Ça faisait des clashs aussi. Ça faisait des discussions. Mais moi, c'est aussi la musique de la cocaïne pour moi. C'est de la musique où tu te... Ouais, ça, pas chez moi. Mais où tu prends des matières pour oublier un peu ta semaine c'est de travail. C'est l'évasion. Non, c'est pas la musique de l'herbe de la marijuana. Réfléchissez sur la vie. Non, non. Tu fais le vide parce que les gens qui dansaient le disco avaient aussi une vie difficile. En rétrospective, je me rends compte, c'était souvent dans mes amis qui y allaient. Enfin, c'était pas mes amis d'ailleurs, mais c'était des gens qui travaillaient, qui faisaient vraiment des métiers difficiles et qui, le soir, avaient besoin, d'oublier la fin de semaine, de passer à autre chose dans une autre dimension de leur vie. C'est l'évasion. Oui, on s'en va, on se prépare pendant 2 heures pour aller s'éclater en boîte. À Ottawa, en 76, j'avais des amis à Ottawa qui, chaque vendredi soir, ils prenaient la route pour aller à Montréal. Ils dansaient toute la fin de semaine. Ils revenaient pour travailler lundi matin. C'était ça, leur vie. C'est l'ancêtre des raves et tout ce qui a suivi après aussi. L'autre truc intéressant dans ce qu'on vient d'entendre, Will Struss, c'est le procédé, la machine industrielle. C'est de la musique, un peu comme le yéyé à l'époque. On produit énormément de disques. C'est de la musique de producteur. C'est vraiment ça, la musique formatée. En fait, au début, c'était de petites étiquettes, de petites labels. Mais les multinationaux sont tout de suite sautés là-dessus, puis ils ont créé des... Et tout le monde fait du disco. Blondie, tout le monde fait du disco. Comme vous avez dit au début, je pense à la machine qui a dévoré. Ginette Renault qui a fait un album disco. Guy Lafleur a fait un album disco. Charlebois avait fait quelque chose d'un peu disco. C'était tout le monde. Ça payait bien. Exactement. On a parlé de Gloria Gaynor, l'une des premières de son tube Never Say Goodbye. On vient d'entendre en fait Disco Queen de Donna Summer, son célèbre Love to You Baby. Ces deux succès qui ont été lancés donc la même année, en 1975. En fait, c'est l'âge d'or du disco, le milieu des années 70. Puis il y aura, au même moment, à peu près, ce film devenu un classique, Saturday Night Fever, La fièvre du samedi soir. Et la musique des Bee Gees. Discothèque, puis tu vois des garçons qui dansent autant que les filles, puis c'est une chose que tu voyais pas, ça va même que ces films-là sortent. Les filles dansaient seules? Ben, oui. Puis tu vas retrouver le même phénomène dans les discothèques maintenant que t'as vu dans le film. Tu vas retrouver exactement la même chose. Je te mets des gens qui commencent le samedi soir à 4 heures, puis waouh, on perce nos cheveux, puis à 9 heures, ils sont prêts, puis là, OK, let's go, on danse, t'sais. Mais à un moment donné, les gens vont venir avec plus personnel, tu sais. Je dis, là, tout le monde danse pareil, à la John Travolta. Mais à un moment donné, les gens vont... ils vont être plus personnels. Ils vont vraiment avoir des danses à eux autres. Mais là, c'est que ça sort. T'sais. Je trouve que ce sont vraiment dans, les gens dans un extrême. Tellement vrai ce qu'on vient d'entendre. Il y avait un phénomène de mimétisme. Il y avait plein de petits John Travolta dans toutes les discothèques qu'on pouvait fréquenter. Ça a été super important. Quelle a été l'importance, Will Strutt, de la musique des Bee Gees, mais de ce film, Saturday Night Fever? Oui, mais le film a fait que... Bon, disco, c'était New York, Chicago, Montréal, etc. Mais si tu vivais dans une petite ville, tu ne savais pas ce que c'était des discos. Alors, ouais. Avec le film, tu voyais ce que c'était, tu voyais les moves, tu pourrais copier les moves pour danser. Alors, ça a fait que ce ne soit pas juste un phénomène urbain, mais international, régional. Le film a apporté le disco. Et qui décrivait très bien aussi, Marie-Christine parlait du fait qu'il y a des gens qui n'avaient pas des vies faciles. Et John Travolta faisait un travailleur qui était vraiment même hébété, complètement abêti par son travail. Ouais. Dans un magazine de peinture, exactement. Pense. Et qui, quand il arrivait à la fin de semaine, devenait un dieu. Exactement. Un dieu. Et je pense qu'il n'y a pas un de nos auditeurs, je l'espère pour vous en tout cas, qui ne s'est pas mis à danser, pas à imiter l'espèce de soie qui avait des épaules de John Travolta. C'est on vraiment... On sortait du film, puis dans... On marchait comme ça. Ouais. Exactement. Ouais. L'esthétique aussi, ça on le voyait, parce que, bon, Studio 54, il y a des grandes boîtes aussi, Limelight à Montréal. L'esthétique du disco. Ça fait vraiment partie du phénomène. Moi, je pense beaucoup à un designer comme Philip Stark quand je pense à cette esthétique-là. Beaucoup d'argent, beaucoup d'argent dans ces boîtes. Un côté kitsch, mais classe en même temps. C'est quoi? L'habillement, les boîtes? C'est intéressant parce que du début des années 70, il y a beaucoup de designers assez importants, qui, même à la fin des années 60, qui sont entrés dans le milieu du disco pour concevoir des discos d'Atitech dans les bâtiments Royal Bank à Montréal, par exemple. Après ça, bon, au fur et à mesure que ça a commencé à être big business, on les faisait plus vite, mais c'était vraiment, et c'est ça que détestaient les hippies à l'époque, c'était une ambiance artificielle. C'était surtout l'éclairage, je sais pas, des boules qui tournaient, il n'y avait rien de naturel. C'était flamboyant. Ouais, absolument. C'était flamboyant avant tout. Ouais. Il n'y avait miroirs, pas seulement une âme, mais des miroirs. Les boules, le satin, les banquettes en velours. Ce qui fait que ça a vite devenu kitsch dans les années 80, parce que c'était tellement exagéré que ça peut pas durer sans commencer. Aussi, je trouve, tu vois, quand on parle des boules miroirs, moi, pour moi, c'est beaucoup associé à ce jeu des apparences. Avoir l'air bien, avoir l'air d'être... Et peut-être que c'est un peu vide en arrière. Le paradis artificiel. Exactement. Et puis, c'est le début du narcissisme très prononcé qui va connaître, je pense, de plus en plus d'importance au fil des décennies. Il y a des choses dans la vie qu'on préfère parfois oublier, mais ça existait. From New York to LA, ça a été, puis ça nous permet de dire que Montréal a été une plaque tournante. On a fabriqué, pas des vedettes disco, mais des gens qui ont fait des super méga succès. From New York to LA, Patti Galant, Mon pays, repris en disco, mais c'est plus qu'anecdotique. Il n'y a plus rien qui tienne, il n'y a plus rien de sacré, là. Beethoven, tout y passe, tout devient disco, Wellstra. Oui, Toulouse, un autre groupe montréalais, avait fait Lindbergh de Charlebois. Oui, ça a été pas aussi, un aussi grand succès que Patti Galant. Mais oui, c'était une machine à absorber, à dévorer et à refaire tout dans la culture. Oui, c'est vrai, il n'y avait rien de sacré. Une espèce de moulinette. Exactement. Oui. Oui. Mais quand vous entendez ça, Marie-Christine Blais, amoureuse de la musique, je repogne les nerfs. Vous avez pas mis Beethoven, hein? Non, mais Beethoven, hurlé, c'était effroyable. Je veux bien qu'on n'ait pas un respect outré pour certaines choses, mais Mon pays de Vigneault, en particulier, ce que je me suis toujours dit pour me consoler, c'est que ça a dû aider financièrement Gilles Vigneault à passer à travers des années plus difficiles des fois, parce que Mais oui. Mais tout était possible au nom du sacré disco. Et en tant qu'anglophone de l'Ontario, j'ai connu la chanson de Patsy Galant avant de connaître Montpellier. Imaginez. On ne vous demandera pas laquelle vous préférez. un mot quand même sur Montréal pour terminer ce bloc disco. C'est vraiment une ville qui est importante dans l'univers disco. On dit que Montréal était la troisième ville de capitale du disco dans les années 70 après New York et Miami. Il y avait une industrie ici très, très important. Et c'était comme la plaque tournante entre l'Europe et New York et les États-Unis. Et des gens qui ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup, des inconnus, ouais. mais qui ont eu un, deux succès Nancy disco planétaires. Nancy Martinez, enfin, ouais, qui ont vraiment fait beaucoup d'argent. C'était pas quelque chose qui était récupéré politiquement. Il y avait toutes les tendances, tous les partis. C'était vraiment une fête de la francophonie. Et c'était un lieu prédestiné à ça. Les plaines de Brame. 300 000 personnes avec pas l'ombre de l'inégratigneux, c'était une fête d'amour, voilà. Tout concordé pour que ce soit historique dans la chanson. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous, nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous, nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, chanté par Félix Vigneault, Charlebois. Charlebois et Vigneault, d'ailleurs, qu'on entendait juste avant la chanson, se souvenir de cette soirée magique du 13 août 74 à l'occasion du concert d'ouverture de la Super Francofête, concert donné sur les plaines d'Abraham à Québec. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait du documentaire de Monique Giroux, Heureux qui, comme Félix, diffusé en 1998. Marie-Christine Blais, ce soir-là, le soir du 13 août 74, ça constitue vraiment un des grands moments de la chanson d'ici. Tout à fait. Parce que, d'abord, c'est la première fois qu'on utilise les plaines d'Abraham comme salle de spectacle en plein air. C'est la première fois qu'une manifestation publique extérieure, c'est pour la musique avec autant de monde. Mm-hmm. Il y en avait eu des spectacles dans les rues, mais c'est dans les rues. Là, c'est vraiment gigantesque. On s'entend pas sur le nombre de personnes. À l'époque, on les comptait pas. Ça va de 75 000 à 300 000, selon qui. Il y avait beaucoup de monde. Et surtout, il y avait du monde de la planète entière, en tout cas de la planète francophone, parce que c'est la Super Francofête qui va inviter à Québec 1 500 personnes qui viennent de 25 pays où on parle beaucoup ou assez le français. Ça va de bien sûr, Haïti, la France, Luxembourg, la Belgique, mais c'est aussi le Togo, le Mali, c'est le Laos, le Vietnam. Et ça dure quelques semaines. C'est une espèce et ça dure de 12 jours, festival. 12 jours où il ne pleuvra pas à Québec. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et on dit de cet événement que c'est en quelque sorte l'Expo 67 de Québec. Parce que tout d'un coup, on voit des gens de partout, des artisans, mais aussi des sportifs, qui viennent montrer ce dont ils sont capables. Et puis il y a des colloques, des congrès, un côté un peu plus sérieux. Il y a le village des arts où il y a des démonstrations à la journée longue d'art traditionnel. Ça va de Max Gros-Louis qui montre comment faire des raquettes à une dame du Mali qui montre comment être. C'est vraiment extraordinaire de voir la francophonie qui est là, réunie. La francophonie dans toutes ses couleurs. Donc, c'est très pacifique aussi. Si on se remet dans le contexte, c'est donc à peu près 7 ans après Expo 67, 4 ans après les événements d'octobre 70 et aussi 2 semaines après l'adoption de la loi qui déclare que le français est la seule langue officielle au Québec. Tout ça participe à l'espèce d'esprit de « nous sommes une famille gigantesque ». Et c'est vrai. Et c'est vrai. Je pense que c'est une des premières fois qu'on réalise au Québec qu'on fait partie d'un tout qui qui est vraiment énorme. Donc, on n'est pas seul au monde, perdu dans une mer anglophone. Ouais. C'est un on événement. Est sur une planète, il y a plein de gens qui parlent cette langue. Un événement officiel organisé par, à l'époque, les sommets n'existent même pas encore, les sommets de la francophonie. C'est l'ACCT, l'Agence de coopération culturelle et technique, qui était l'espèce d'organisme qui promeut la francophonie. Qui s'appelle aujourd'hui l'Organisation internationale de la francophonie et qui est présidée par Michael Jean. C'est ça, c'est leur événement. Vous le disiez, c'est la rencontre des cultures. L'atmosphère est au métissage à la rencontre des cultures, justement, à la super francophonie. Et ça donne ceci. C'est un groupe québécois qu'on entend, Marie-Christine Blais, Francophète, 1974. C'est le World Beat avant l'heure. Voilà. C'est des gens qui ont fait partie du Villemar Blues Band, d'ailleurs, qui font partie de Toubabou. Et notamment, Michel Séguin, qui est un grand, grand, grand percussionniste québécois, qui est né à Hull et qui a découvert au fil des années la musique africaine, qui l'apprend. Toubabou, d'ailleurs, est un mot africain qui désigne Michel Séguin. C'est son nom africain qui veut dire, je pense, étranger. Et ce groupe-là va faire des musiques incroyables, mêlées d'un peu tout. C'est eux qui ont la responsabilité de faire le spectacle de clôture de la Super Francophère. Ah bon? Et donc, qui vont réunir 100 000 personnes. C'est énorme, 100 000 personnes aussi, pour écouter des gens qui viennent du Mali, du Sénégal. On voit les tambours de Doudou Indianeros qui arrivent, qui sont encore aujourd'hui une référence absolue en musique. Mais ce qu'ils font, eux, il n'y a personne qui fait ça au Québec encore. Il y a très peu de gens, un peu dans le jazz. Je pense qu'un peu dans le jazz, il y a un intérêt. Et il y a Robert Charlebois qui fait toujours du latino, qui fait toujours des trucs un peu plus rythme du monde dans sa musique. Mais ce n'est pas à la mode. Hein, on s'entend, la musique après Expo 67, ça a été plutôt les Beatles qu'on a découvert. Pas nécessairement la musique du Mali. Vous avez un souvenir, Will Struth, Françoise Lavoine, ça vous dit quelque chose, la Super Francophète? Ça évoque quelque chose pour vous ou pas du tout? Ça évoque le fait, j'étais pas là cet été-là, mais quand je suis revenue, on ne parlait mais que de ça, et ça, c'était pendant longtemps. Elle vous a rattrapé. Elle m'a rattrapé complètement, parce que moi j'étais étudiante en musique en plus à cette époque-là. Mais alors tout le monde parlait de ça, parlait de ces rencontres, tout le monde parlait de cette ouverture sur le monde, de ces rythmes qui venaient de partout, parce que nous c'est ce qu'on apprenait dans nos cours très sérieux de musique du monde d'ailleurs, et de culture. Mais là c'était dans la musique populaire, comme ça, tout ce grand rassemblement. Alors ça a beaucoup marqué, ça a marqué, il y a eu des rencontres contre les Québécois, les gens de Québec qui sont exposés. L'image est belle, l'Expo 67 de nos amis de la ville de Québec. Mais vous allez entendre des points de vue plus critiques. Elle sera très critiquée, la Super Francophète, pour son caractère néocolonialiste, aussi pour parce qu'il y a une décision de la CCT, cette agence de coopération culturelle et technique, qui va décider de ne pas présenter la pièce Les Nègres de Jean Genet, qui devait être présentée à la Super Francophète. Extrait donc de l'émission 5D du 1er septembre 1974. Ce qui est très étrange, c'est qu'au départ, il s'agissait d'un festival international de la jeunesse, qui est un label qui a sa dignité. Et tout d'un coup, c'est devenu une super francophète. Alors, j'aime pas les superlatifs, d'abord. Ensuite, super, on dit ça pour les supermarchés, par exemple. Et d'ailleurs, il pourrait bien se faire que cette super francophète soit en fait un supermarché déguisé. Vous vous amusez au festival ? Ah non, pas toujours, très très peu. Je me suis beaucoup amusé pendant 2 mois que j'ai travaillé dans l'atelier Les Nègres, justement, avec Claude Régis. Et malheureusement, cet amusement a été châtré, censuré. Est-ce que vous voulez dire que Les Nègres sont interdits au Québec? Oui, la pièce a été interdite. Je crois que tout le monde est maintenant au courant de la décision qui a été prise par l'agence. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, c'est la jolie fête coloniale avec des beaux oiseaux en plumes et puis tout ça, quoi. Alors, regardez-moi comment je suis joli, puis c'est tout. On les fait venir de France, on les fait venir d'Afrique, puis on les montre. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est l'impression que j'en ai, je suis pas tout seul. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est vraiment quelque chose, un coup de tam-tam à droite, un coup de tam-tam à gauche, et puis c'est ça, quoi. C'est vraiment enterrer les gens dans leur folklore, et puis c'est tout, quoi. Et blanc dans les dents. C'est très sévère. Ouais. Mais c'est sûr que si on se remet dans le cadre de l'époque, c'est le moment où les pays africains commencent à être vraiment de plus en plus indépendants, à avoir leur propre parole. Quand les nègres sont censurés, les nègres dont font partie des comédiens qui viennent de tous les pays invités, notamment Philippe Geluck, celui qui va faire le choc plus tard, il représente la Belgique, la pièce est censurée parce que certains dignitaires africains considèrent que le discours qui s'en prend à la façon dont les pays sont gérés, ce discours est inacceptable. Ouais. Et c'est ça qui va faire mal, c'est sûr. Donc, dans ce monde où la francophonie, oui, sert de grand parti de famille heureux, il y a eu à peu près aucun incident. Il faut encore le répéter, c'est extraordinaire quand on y pense. Mais il y a tout le discours aussi de l'époque où on considère le bon noir qui fait pas qui respecte les règles. Mais c'est sûr aussi qu'il faut se remettre à l'époque, il y avait des gens qui arrivaient d'Afrique qui n'avaient jamais pris un ascenseur. Qui n'avaient jamais pris un avion et qui aujourd'hui c'est moins vrai. Puis la réaction des Québécois, on aurait pu, il faut faire des choix, mais j'entendais en préparant l'émission un micro-trottoir, un Vox Populi avec des gens de Québec à l'époque. Cette rencontre dont vous parlez, c'est fabuleux parce que, mais faut encore une fois se replacer dans le contexte au début des années 70. Les Québécois qui dans certains cas regardent ça, mais un peu, effrayés aussi. Mais la majorité des gens étaient quand même contents, non? Je crois que Je crois que oui. Puis je pense aussi que des choses comme j'ai vu le loup, le renard, le lion avec Leclerc, qui avait à l'époque 60 ans, Vigneault qui avait 45 et Charlebois qui avait 30. Ces moments-là, c'est ceux qui restent. Et c'est pas pour rien, la musique adoucit les mœurs. On et écoute. C'est vraiment vrai. Justement, parce qu'on va boucler la boucle en revenant à ce grand spectacle, puis vous mettez en plein le doigt dessus cette idée, parce que c'était ça l'idée de réunir quelle belle idée de réunir ces trois générations, ces trois géants de générations différentes sur scène. On écoute à nouveau au micro de Monique Giroux, Gilles Vigneault, qui nous parle un petit peu de la genèse de ce spectacle-là. Mon pays, ça fait pas mon pays, c'est l'hiver. On a convaincu. Plus en incluant surtout la personne qui parle, Félix, de faire ça. Félix, il avait un petit peu peur, si on peut dire. Il craignait de travailler avec Robert. Il n'était pas rassuré de travailler avec Robert, parce que Robert, c'était une bête de scène. C'est toujours, d'ailleurs. Et il avait raison, je comprenais ça, moi aussi. Tout ça a commencé sur les plaines d'Abraham, la chicane. Le meilleur argument, c'était, vois-tu, Félix, Robert a 30 ans. Moi, j'en ai 45 et toi, t'en as 60. Vois-tu le bel échantillon qu'on peut montrer au monde de trois âges, trois générations différentes qui chantent ensemble, qui travaillent ensemble dans un même pays. Les coulisses. Moi, j'aurais voulu assister à ces rencontres. Les coulisses, là, ces tractations. Charlebois, Vigneault en parle pas, mais va aller voir Félix. Oui, il va lui dire, ben non, j'enverrai pas la batterie dans le monde, Félix. C'est ça. Comment? Il lui dit, regarde, mets ta voiture dans l'autre sens, tu vas déjà être prêt à sortir si jamais ça va pas. Et ça reste aussi un beau moment de penser que sur les plaines d'Abraham, qui sont d'abord et avant tout des chants de bataille, on va avoir trois hommes qui vont chanter « Les soldats seront troubadours ». Mais nous serons morts, mon frère, bien sûr. Et je pense que c'est ce qui reste. Et dans le Bye Bye 74, cette année-là, il y a eu un sketch qui expliquait qu'il n'y avait pas juste la musique qui était restée. On voit une jeune femme qui est jouée par Danielle Ouimette et qui met au monde un souvenir de la super francophète, c'est-à-dire un fort joli petit bébé brun, noir. Et on comprend que c'est aussi... Moi, je pense que ça a quand même participé à l'ouverture du Québec sur autre chose que ce qui était jusque-là peut-être un certain Canada français plus fermé sur lui-même, plus tourné sur lui-même. Ça, c'est la grande lecture. Puis, plus ponctuellement ce soir du 13 août. Ces espèces, moi j'étais pas là, mais j'imagine l'état d'esprit, la magie, le moment, les états de grâce. Hein, ça fait partie de ça, ce qui s'est passé là ce soir. Et puis, il y a d'autres choses très terre à terre, comme se rendre compte à ce moment-là qu'on n'a pas le système de sonorisation qu'il faut pour ce genre d'événement. Et on va en inventer au Québec pour que les prochains, et là, les années qui suivent, les grands rassemblements à Montréal, à Québec, à Chantaou, en 75, toutes les festivités pour la Saint-Jean, ça va devenir peut-être même une industrie, mais ce grand spectacle à ciel ouvert rassembleur, ça va devenir une marque de commerce des festivals et des grands événements. Et c'est là que ça commence, donc. Et c'est ce soir-là, le 13 août 74. Il a un contact avec les gens tout à fait étonnant. Pavarotti est quelqu'un qui rayonne véritablement. C'est une espèce d'énorme soleil qui a besoin de partager son bonheur de chanter. Cette espèce de sensualité de la voix et de chaleur. Oui. Mais je crois que sa grande réussite, c'est d'apporter autant de bonheur aux autres. Once in Montreal, I think, I don't remember, I think 10 years ago, something like that, when Milano La Scala went here for the Expo. Ah, c'est en 67 alors, que vous êtes venu, c'est ça. Et c'est la première fois depuis ce temps-là. I was a little kid. Refaites-moi les yeux, vous m'avez fait tout à l'heure, là. Comment? Oh. Ah, you are very difficult. Oh là là, oh, c'est difficile de travailler avec ça. Veuillez me croire, on s'arrête pour une pause. Luciano Pavarotti, qu'on entendait à l'émission de Lise Payette, qu'on entendait d'abord et avant tout chanter, mais qu'on entendait à l'émission de Lise Payette en 1975. Et juste avant, vous entendiez Ève Ruggieri, la biographe de Pavarotti, au micro de Denise Bombardier en 1994. Françoise Davoine, Pavarotti. J'ai des frissons. Oui, vous avez des frissons? Oui. Succès extraordinaire. Absolument, dans les années 70. Il va devenir une grande vedette internationale. Ouais. C'est rare dans le monde de l'opéra. Qu'est-ce qui explique ce succès-là? Il y en a beaucoup. Mais à ce point-là, tout le monde qui nous écoute connaît Pavarotti. Et c'est une méga star. Et c'est dans les années 70, justement, qu'il est devenu une méga star. Parce que, en fait, Ève Ruggieri le dit très, très bien. Il a une personnalité qui rayonne. Il était colossal. Hein. Il était très, très grand. Il est devenu très, très gros aussi au fil des ans. Mais il était imposant. Il avait des pommettes très hautes. Il avait un port altier. Alors, quand il arrivait sur scène, il était spectaculaire, en fait. Moi, je l'ai vu sur scène à Montréal en 75. Justement. Ouais. Et la joie de vivre, la chaleur. Joie de vivre. Et je vous dirais, cet art qu'ont les plus grands qui fait que quand vous êtes assis dans une salle où il y a 2000 personnes, vous avez l'impression qu'ils ne chantent que pour vous. Ouais. Or, un séducteur, c'est extraordinaire. Mais c'est formidable. C'est un si grand chanteur, Françoise Davoine. Juste avec ce qu'on vient d'entendre, là, je pense que oui, c'est un très, très grand chanteur. Ce qu'il y a, c'est que ce n'était pas un chanteur intellectuel, c'était un instinctif. Ce n'était pas quelqu'un qui lisait facilement la musique ou qui... Mais c'était quelqu'un qui travaillait très fort, de façon très, très concentrée et qui qui savait absorber toutes sortes de choses. Et c'était surtout quelqu'un, certains disaient qu'il n'était pas très bon comédien, mais il avait, je dis, une immense présence sur scène et il était capable de tout faire. Mmh. On lui disait, fais le petit gamin idiot, bah, il faisait le petit gamin idiot instantanément. Fais le grand duc de Mantoue, bah, il faisait le grand duc de Mantoue instantanément. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir créer ce genre de, d'avoir ce genre, toute cette quantité de masques, disons. Puis, il est devenu tellement populaire, je disais, tout le monde, tous ceux qui sont à l'écoute le connaissent, qu'on oublie, parce que c'est ça que vous évoquez, là, que c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui, dans le répertoire classique de l'opéra, dans le répertoire lyrique, est un grand. Il a fait des grands opéras partout avec les plus grands. Avec les plus grands. Et il a eu la grande sagesse d'avoir un répertoire assez limité, en fait, et de choisir ses rôles avec beaucoup, beaucoup de soin. Et c'est pour ça qu'il a duré. Et c'est pour ça qu'il a été si grand si longtemps. Parce que il avait envie de chanter quelque chose, il disait non, ça c'est pas pour ma voix. Non, ça je le ferai pas tout de suite. Et il y a beaucoup de chanteurs qui, malheureusement, dans ce monde de l'opéra, se cassent la voix ou s'abîment la voix à vouloir chanter des opéras de Wagner très tôt ou des choses comme ça, en fait. Alors il a eu cette sagesse-là, il a très bien mené sa carrière aussi. Mais c'est vraiment dans les années 70 qu'il est devenu une superstar. Avec un concert qui a vraiment été la bougie d'allumage, un point tournant pour lui, quand il se produit au Metropolitan Opera de New York le 17 février 1972. Ou contre do. Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui ne connaît pas l'opéra? Ben, essayez de chanter si haut, vous allez voir ce que ça veut dire. Alors, les hommes ont deux voix. Il y a une voix et puis il y a une voix de tête. Vous pouvez changer de voix, ce que nous, on ne peut pas faire, Marie, et Christine et moi. Et jusque-là, dans cet opéra-là, La fille du régiment, dans cette ère-là, la plupart des ténors chantaient ces contre do qui ont été écrits par Donizetti avec leur voix de tête. Mais lui, c'est sa vraie voix. On le sent, il n'y a pas de changement. C'est sa voix. Alors, pour les amoureux d'opéra, parce que vous savez, les amateurs d'opéra, c'est une race presque à part. Ils connaissent ça tellement, tellement, tellement. C'était incroyable. Il avait 36 ans. Il avait fait des débuts un peu ratés au Met quelques années auparavant. Oui. D'ailleurs, avec Colette Bocchi, ça, je tiens à le souligner, chanteuse d'ici. C'était dans La Bohème et Colette Bocchi chantait Musetta. Mais bon, on passe ça en parenthèse. Mais là, il revient et il fait ses 9 contre Ut avec sa pleine voix. Écoutez, il a été rappelé 17 fois. 17 fois par le public de New York. Ce jour-là, il est devenu une légende, vraiment. Et ça n'a pas cessé depuis après. Ça a fait effectivement donc sa notoriété. Puis, vous l'avez un peu dit, mais ce qui va suivre, les années 70, pour lui, c'est spectaculaire. Mais oui, puis en plus, ça correspond à une époque où la télévision aux États-Unis diffuse les opéras. Alors imaginez le public qu'il va rejoindre. Il disait d'ailleurs, après une diffusion du Met Telecast, je pense que ça s'appelait, en 1977, il avait dit, c'est extraordinaire, en une soirée, j'ai touché autant de monde que Caruso dans toute sa vie, le grand Caruso, le grand ténor italien. On disait que il était le nouveau Caruso, Pavarotti. Oui. Alors en une soirée, il avait rejoint autant de public que Caruso. Ça, c'est fantastique. Donc, il a su mettre à profit aussi, pour cultiver ce personnage de légende, tous les outils qui étaient à sa disposition pour rejoindre le plus vaste public possible. Oui. Elle le disait bien, Eve Ruggieri, il aimait les gens. Oui. C'était un gars d'une petite ville, il vient de Modène, et il a passé sa vie à jouer dans la rue avec les copains. Il est toujours, c'est fils de boulanger, il est toujours resté très proche de ses amis d'enfance. Il retournait, il était millionnaire, vous pouvez vivre partout. Il retournait à Modène pour faire la fête avec ses copains, manger de la pizza, voilà. Et puis chanter avec son père aussi. Il chantait encore dans les églises à Modène quand il était une légende comme ça. Alors c'est sa personnalité. Il aimait les gens et il voulait. En plus, on le voyait physiquement là. Il avait ses grands bras. On avait l'impression qu'il voulait embrasser la terre entière. Hein. Et puis tu sentais son petit mouchoir parce qu'il a eu un sens de l'image aussi, de devenir presque une figure, une image d'Épinal avec son petit mouchoir pour s'essuyer le front après l'effort quand Mais il y avait une raison pour ça. C'est parce que quand il allait au concert plus jeune, il détestait voir les chanteurs bouger les bras comme ça. Alors ça bougeait dans tous les sens et bon. Et puis sur le cœur. Il faudrait qu'on filme cette émission. Et en fait, il s'est dit, si j'ai un mouchoir, ça va limiter la gesticulation de mes bras, en fait. Mm-hmm. Et il avait raison. Alors du coup, quand il chantait, il avait toujours son mouchoir. Là. C'était très impressionnant. Mais c'était vraiment... C'est vrai, on a envie d'aller se coller contre un gros toutou. Là. Moi, exactement. C'est l'image que son côté très, très attachant. Tout à fait. Puis ça a été... des dizaines de disques, les années 70. Alors ça aussi, c'est très important pour lui. C'est la décennie dans laquelle il a enregistré le plus de disques. Il y a plus de 30... Oui, il y en a plus de 30 des albums. Imaginez. Écoutez, il y a des fois, je regardais, je repassais à travers sa discographie, il finit d'enregistrer un opéra de Donizetti le 29 juin. Il commence à enregistrer un opéra de Verdi le 2 juillet. Enfin bon, ça s'enchaîne comme ça. Il enregistre 5-7 opéras par année. Il enregistre des disques de récital. Il enregistre des tas de choses. Des chansons napolitaines, ça c'est dans 77-79, à la fin des années 70, et il a vendu, à sa mort, c'était le musicien classique qui avait vendu le plus grand nombre de disques, hein. Ça dépasse ça se compte en millions, et son disque qui a été le plus vendu, quand on sait la carrière de Pavarotti, vous savez ce que c'est ? C'est Au sole mio, les chansons napolitaines. Alors avec ça, il a rejoint tellement de monde. Hein. Ouais. Ouais. On écoute une version d'Au sole mio, pas celle de ce disque de la fin des années 70, mais parce que on va déborder un peu des années 70, mais ça fait trop partie de Pavarotti pour qu'on n'en parle pas. Son côté plus pop, les années 90, ça va être entre autres le trio des trois ténors avec Domingo et Carreras. Et puis il va se mettre à faire des duos avec tout le monde. Avec Pavarotti and Friends. Il va faire des grands spectacles, un peu comme la super Franco-fête en public, par exemple à Central Park, à New York ou un peu partout. Et il va inviter des amis de tous les genres musicaux. Il a chanté avec Céline Dion, il a chanté avec les plus grands. Hein, aussi. Et avec Bryan Adams. Et on a un extrait justement avec Bryan Adams de Au sole mio. Bah là, on chante tous. Allez, on chante. On chante tous. Ok. Quando fa notte, o sole se ne scende, me viene quasi una malinconia sotto finestra poi arrestaria quando va notte o sole se ne scende. Françoise Davoine, vous teniez à ce qu'on présente cet extrait. Pourquoi, Françoise? Oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que je trouve que ça incarne ce côté de Pavarotti qui était rassembleur, c'est tout. Il est allé à la rencontre, là-dedans. Il y a de la générosité. Écoutez, cette voix, elle est unique. Ouais. On la reconnaît entre toutes. Et cet homme-là, il est allé rassembler plein de gens, chercher plein de gens et qui ont osé chanter avec lui. Fallait c'est faire, surtout hein, quand ce même. Que j'allais dire. Bryan Adams, quand même, quel courage. Le pauvre petit pou derrière. Mais il allait chercher un autre public. Oui. Hein? Il rassemblait des gens plus jeunes. Écoutez, vous le dites, tout le monde connaît le nom de Pavarotti encore aujourd'hui. Alors ça évidemment... Mais il y avait quelque chose de vraiment... Il faisait ça pour l'argent ou c'était plus que ça? Ben, c'était plus que ça, je pense. Oh, c'est sûr qu'il a fait ça pour l'argent. J'entendais tout à l'heure là, dans une des entrevues que vous avez diffusées, il y en a quelqu'un qui disait « C'est bien beau de faire de l'argent, mais il faut aussi faire de la musique. » Ben, on a beaucoup reproché ça à Pavarotti à partir des années 90. Les puristes disaient « C'est épouvantable ce qu'il est en train de faire. Il chante n'importe comment, il chante n'importe où, il fait fait toujours des grosses affaires avec n'importe qui. Il choisissait comment? C'était le contact? C'était l'offre du contrat? C'est un peu mercantile de dire ça. Mais est-ce qu'on sait comment il disait oui Céline, oui Brian ou non? Ben, ça m'intéresse pas de chanter avec. Je suis pas dans le secret des dieux, mais j'imagine que il faisait ce qu'il voulait. Hein? Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Ouais, ouais. Et puis je pense que s'il écrivait, si vous écrivez Jacques Beauchamp, voulez-vous venir chanter avec moi? Vous diriez pas non quand même. Non. Hein? Vous chanteriez pas fort, mais vous diriez pas non. Ouais. Je vais vous applaudir, M. Pavarotti. Moi, je serais allée. Hein? Oui. Mais j'aurais pas chanté fort, mais d'ailleurs, c'est une découverte, François. Je vais vous faire une confidence. Je sais pas si c'est possible, mais je pense que je vais maintenant non plus seulement vous écouter, mais je veux vous voir faire vos émissions. C'est spectaculaire. Quand elle parle de musique, si vous la voyez, c'est formidable. On sent l'amour qu'elle a pour la musique. Qu'est-ce que ça a fait dans le domaine de... En anglais, ils disent « serious music hein, ». Dans la musique classique, c'est de la musique sérieuse. Ouais. J'imagine que c'est le tremblement de terre. Pavarotti qui chante avec Bryan Adams. Comment c'est perçu dans le monde classique, dans le monde de l'opéra? Ben, c'est ça que je vous dis. Il y a les puristes lui ont beaucoup reproché. Mais moi, je pense que tous les gens qui sont capables justement de prendre cette musique qu'on dit tellement sérieuse, mais qui est tellement autre chose que juste sérieuse et de la porter au plus grand nombre de gens possible. Et s'il a convaincu tant de gens d'aller à l'opéra, d'aimer l'opéra, quand on voit le succès de l'opéra aujourd'hui, quand on voit Yannick Nézet-Séguin qui est nommé au Met ou Tamara Kelly a chanté. Il y a une filiation Absolument, bien sûr. L'opéra continue à vivre grâce à des personnalités comme celle-là. Mmh. Des gens qui sont capables de partager cette passion et cet amour. Qu'en même temps, Françoise, ce côté pop-là, je ne veux pas avoir l'air obsédé de ça, il a fait beaucoup pour populariser cette musique lyrique, mais est-ce que quand on écrit l'histoire de l'opéra aujourd'hui, ça ne nuit pas à Pavarotti? Le prend-on suffisamment sérieux ou si ce côté pop ne nuit pas à ce qui reste? Non. Moi, je dirais que non, parce que je pense que maintenant qu'il est disparu, les gens font leur choix. Et puis, il y a le Pavarotti que vous avez sur tous ces enregistrements des années 70. Je vous le dis, c'est les meilleurs. Oui. C'est ses meilleures années vocalement, c'est extraordinaire. Les Puccini qu'il a fait avec Karajan dans ces années-là, il n'y a rien de mieux. Avec son amie, la soprano Mireille Lafreni, qui était sa sœur de lait. Ils avaient eu enfant, bébé, la même nourriture. Et qui chante avec lui. C'est absolument extraordinaire, ces enregistrements. Alors, si vous voulez ce Pavarotti-là, vous l'avez. Ouais. Si vous voulez le Pavarotti pop, vous l'avez. Vous allez sur YouTube, vous avez quantité de choses. Tout est... C'est tout pour vous. C'est un immense artiste. Mm-hmm. Moi, j'ai dit... Évidemment, on ne parle pas des mauvais côtés de sa personnalité, mais c'est un immense artiste et qui a vendu 100 millions de disques. Faut le faire. Dernier tour de table, c'est déjà la fin de cette émission. On a parlé de Pavarotti. On a parlé de cette super francophète, de ce spectacle mémorable avec ces trois géants québécois. On a parlé des années disco. De quoi d'autre aurions-nous dû parler quand on parle des années 70 en musique? Marie-Christine Blais. On a ouvert l'émission avec une chanson tirée de Starmania. Ouais. À mon sens, la décennie 70, au Québec et en France, c'est la décennie Starmania beaucoup. Ouais. Mais il y a eu tellement de musique dans les années 70, tellement de musique. C'est aussi la décennie Harmonium. C'est vrai. Alors, Beau dommage. Enfin, tout ça est là en même temps. Ouais. C'est ça qui est fabuleux quand on s'intéresse à l'histoire de la musique. C'est une décennie. Je prends des notes à la fin de ces émissions. Will Strah. Mais c'était aussi la décennie du rock progressiste, dont le Québec et Montréal étaient une des. Un des fleurons, vraiment. J'ai dit dans les années 70 que Supertramp pourrait remplir le stade olympique chaque semaine, si vous voulez, parce que. On trippait beaucoup sur ça, cette musique-là au Québec, plus qu'ailleurs en Amérique du Nord, en fait. Mm-hmm. Mm-hmm. Françoise Lavoine. Oh là là, je réfléchis vite, mais à la fin des années 70, je sais, dont on devrait parler, c'est l'arrivée de Charles Dutoit à la tête de l'Orchestre symphonique de Montréal. C'est quand même une époque fabuleuse. Mm-hmm. Hein, 25 ans avec une discographie incroyable, des tournées partout dans le monde. Grande époque du disque aussi. C'est plus comme ça maintenant pour les orchestres symphoniques. Ce serait une très belle émission à faire avec vous, Françoise Lavoine. Je reviens quand vous voulez. L'invitation est lancée officiellement. Merci beaucoup, Françoise Lavoine. Merci, Will Strah, Marie-Christine Blais. Merci infiniment d'avoir participé à l'émission. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.